Genèse chapitre 20. Et Abraham s'en alla de là au pays de Midi, et demeura entre Kadès et Sur, et il habita comme étranger à Guérar. Or Abraham dit de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Et Abimélec, roi de Guérar, envoya, et prit Sarah. Mais Dieu apparut la nuit dans un songe à Abimélec, et lui dit, « Voici, tu es mort, à cause de la femme que tu as prise, car elle a un mari. » Or Abimélec ne s'était point approché d'elle, et il dit, « Seigneur, feras-tu donc mourir une nation juste ? Ne m'a-t-il pas dit, « C'est ma sœur ? » Et elle-même aussi, n'a-t-elle pas dit, « C'est mon frère ? » J'ai fait ceci dans l'intégrité de mon cœur, et dans la pureté de mes mains. Et Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu l'as fait dans l'intégrité de ton cœur, et aussi ai-je empêché que tu ne péchasses contre moi. » C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touchasses. Maintenant donc, rends à cet homme-là sa femme, car il est prophète, et il priera pour toi, et tu vivras, mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras de mort, avec tous, qui est à toi. Et Abimélec se leva de bon matin, et appela tous ses serviteurs, et leur rapporta toutes ces choses, eux l'écoutant, et ils furent saisis de crainte. Puis Abimélec appela Abraham, et lui dit, « Que nous as-tu fait, et en quoi t'ai-je offensé, que tu aies fait venir sur moi, et sur mon royaume un grand péché ? Tu m'as fait des choses qui ne se doivent point faire. » Abimélec dit aussi à Abraham, « Qu'as-tu vu qui t'est obligé de faire cela ?» Et Abraham répondit, « C'est parce que je disais, assurément il n'y a point de crainte de Dieu en ce lieu-ci, et ils me tueront à cause de ma femme. » Et aussi, à la vérité, elle est ma sœur, fille de mon père, mais elle n'est pas fille de ma mère, et elle m'a été donnée pour femme. Et il est arrivé que je lui ai dit, lorsque Dieu m'a conduit ça et là, hors de la maison de mon père, c'est ici la grâce que tu me feras, dis de moi dans tous les lieux où nous irons, c'est mon frère. Alors Abimélec prit des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et lui rendit Sarah, sa femme, et lui dit, « Voici, mon pays est à ta disposition, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, j'ai donné à ton frère 1000 pièces d'argent, voici, il t'est une couverture Dieu envers tous ceux qui sont avec toi, et envers tous les autres. » Et ainsi elle fut reprise. Et Abraham fit requête à Dieu, et Dieu guérit Abimélec, sa femme et ses servantes, et elles eurent des enfants, car l'Éternel avait entièrement resserré toute matrice de la maison d'Abimélec, à cause de Sarah, femme d'Abraham.